Quatrième partie, chapitre 2, deuxième section. Ministre du baptême. À qui appartient-il de donner le baptême? Donner le baptême appartient de droit aux évêques et curés. Mais en cas de nécessité, toute personne peut le donner, que ce soit un homme ou une femme, même un hérétique ou un infidèle, pourvu qu'il accomplisse le rite du baptême et qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. S'il y avait nécessité de baptiser quelqu'un en danger de mort et qu'il se trouvât plusieurs personnes présentes, laquelle devrait donner le baptême? S'il y avait nécessité de baptiser quelqu'un en danger de mort et qu'il se trouvât plusieurs personnes présentes, s'il y avait un prêtre, c'est lui qui devrait le baptiser. En son absence, un ecclésiastique d'ordre inférieur, et en l'absence de celui-ci, un homme laïc de préférence à une femme, à moins que celle-ci ne sache mieux faire ou que la décence n'exige que ce soit elle. Quelle intention doit avoir celui qui baptise? Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église dans le baptême.